19h05, vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM, Mouloudi Dir au micro. Je disais donc en introduction de l'émission que nous allions revenir finalement sur les enjeux politiques qui se posent en Égypte actuellement. J'ai le plaisir de recevoir ici au studio Farah El Kefi, d'origine tunisienne, nouvellement établi ici, qui est chercheur en philosophie, que vous avez déjà entendu à deux reprises. Une fois, c'est un témoignage sur la situation de la révolution en Tunisie, puisque Farah a vécu les événements de janvier, mars, février, mars 2011 sur place. Récemment, elle est venue nous entretenir de l'assassinat d'un de ses camarades qui était Chokri Belaïd aujourd'hui. Elle a accepté de suivre pour nous, à titre de chroniqueuse donc pour l'émission, les enjeux politiques sous-jacents au débat qui entoure finalement ce débat sur la constitution en Égypte. Première question très générale pour rentrer dans le vif de la discussion, Farah. Mm-hmm. Pourquoi finalement l'impératif de l'articulation d'une future constitution s'oppose dans l'Égypte actuelle? Ok, on doit parler de deux registres possibles concernant la constitution en Égypte, la nouvelle constitution. On a un premier registre qui est un registre purement politique et un registre médiatique. Une nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements qui ont donné légitimité à annuler ou faire dissoudre une vieille constitution qui n'est plus adéquate aux circonstances politiques qu'a vécu l'Égypte depuis les derniers événements politiques. Donc on parle suite à la révolution de janvier-février 2011. Donc c'était tout un contexte qui cherchait à créer de nouvelles bases juridiques et politiques et donner légitimité à un régime politique qui cherchait vraiment à une certaine stabilité. Une certaine stabilité politique et une légitimité juridique. Donc une constitution, c'était vraiment une urgence, comme on l'a compris au moment bien déterminé. Mais on va poser quelques questions concernant vraiment une concrète urgence possible de cette constitution. Alors, qui pose ce débat comme étant une urgence pour l'Égypte, plus concrètement ? Le régime même. D'accord. Le régime même, on vous dit quoi dans l'Égypte actuelle ? Est-ce que c'est les frères musulmans ou c'est d'autres acteurs dans On ne parle pas des frères musulmans parce que les frères musulmans ne sont pas un parti politique reconnu. Voilà. C'est le parti sous le nom de le Parti de la Liberté et de la Justice, Hizb al-Hurriya wal Adela. C'est le nom politique qu'ont choisi les frères musulmans pour créer leur parti politique. Qui est le parti de Mohamed Morsi. Qui est le parti qui a élu Mohamed Morsi comme candidat pour les élections présidentielles. Et Mohamed Morsi, donc, avec tout son groupe et tout, bien sûr, sous l'influence des frères musulmans, essaie de trouver les cadres que permet la démocratie qu'on choisit de passer à travers une reconnaissance dans la société au niveau national et bien sûr au niveau de la reconnaissance internationale. Alors, cette reconnaissance internationale viendrait de quel acteur plus particulièrement ? Les alliés politiques et stratégiques de l'Égypte. Qui sont-ils ? On parle par exemple des États-Unis qui ont bien soutenu le régime de Mohamed Morsi dès le début, malgré toutes les confrontations, que ce soit suite à la Constitution, à la déclaration constitutionnelle faite par le Conseil de l'armée égyptienne au début. Le Conseil suprême des forces armées. Exactement. Donc aussi au niveau des pays de Golfe, les premières sources et ressources du régime égyptien, et aussi au niveau de la sphère internationale, autant que un nouveau régime, sûrement, il a besoin d'une nouvelle constitution. Mmh. C'est dans les clichés de la politique moderne et contemporaine. Tu dis que l'un des soutiens du régime égyptien, et on va revenir tout de suite après aux enjeux constitutionnels, mais juste pour que on mette un peu le contexte général, le paradoxe peut-être qu'il faut expliquer aux Occidentaux, c'est comment se fait-il qu'un parti comme celui de Mohamed Morsi, qui on dit comme un parti islamiste... Pas vraiment. Bah justement, il est présenté comme ça. Et pourtant, tu viens de nous dire... Non, pas du tout, parce qu'il ne se définit pas comme parti islamiste. Voilà, c'est très important de dire. Mais comment se fait-il qu'un parti comme celui-là a comme soutien les États-Unis comme acteur de soutien des États-Unis, par exemple. Okay, justement, pour éclaircir une nuance très importante. Voilà. Le soutien, c'est une reconnaissance, d'abord. Mm-hmm. C'est au niveau médiatique. On reconnaît l'authenticité des peuples qui ont choisi, à travers les moyens démocratiques possibles, à travers des élections, un régime, une formule politique, une expression de la société égyptienne. Mm-hmm. C'est les frères musulmans, parce qu'ils font partie de la scène politique depuis 1928. Voilà. C'est pas un nouveau mouvement qui est créé suite à la révolution. Donc, ils sont toujours là. Ils étaient toujours là. Ils ont toujours joué un rôle quelconque dans la scène politique, que ce soit pendant le régime Moubarak ou même avant. Et ça, la première des choses. Un deuxième élément très important, c'est que quand on donne une reconnaissance, c'est une reconnaissance internationale. Mmh. Mais comme si on vous passe le message, on ne va pas intervenir dans vos problèmes à l'intérieur. Mmh. C'est qu'on vous reconnaît parce que le jeu démocratique, il implique la règle de reconnaître les résultats des élections n'importe quel résultat possible, parce que c'est la société même qui choisit. Ça, on va regarder ça après à travers des chiffres et des statistiques suite aux élections. Mais en même temps, on reconnaît votre choix comme société. Vous avez choisi une expression authentique à la société, ce qu'on écoute par rapport au discours médiatique dominant. Mais on ne va pas intervenir dans vos choix stratégiques à l'intérieur. D'accord. Alors, les élections, parce que tu parles de statistiques, les élections qui ont porté au pouvoir Mohamed Morsi, est-ce que tu peux nous donner quelques indications pour voir un peu ? On va parler de deux types d'élections. Donc, vas-y. On va partir des premières élections qui ont fait passer Mohamed Morsi au pouvoir. Et le résultat a été annoncé officiellement en date de 17 juin 2012. Il a pris le pouvoir avec le pourcentage de 51.73%, donc face à un candidat symbole de l'ancien régime de Moubarak, Ahmed Shafiq. Voilà. Donc, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur, non ? Exactement. Et Ahmed Shafiq, malgré toutes les circonstances, il a eu 49%. Il ne faut pas oublier ça. Les deux sont passés au deuxième tour. Donc, Mohamed Morsi, il a gagné avec 51% et Ahmed Shafiq avec 49%. Ça, c'était au deuxième tour. Oh, ouais. Mais au premier tour, comment c'était ? Est-ce que tu as les résultats ou bien ? Non, parce que c'était au début, on a vu que les deux avaient pas mal d'avantages pour le reste des candidats qui n'avaient pas vraiment ramassé un grand pourcentage important. Donc, Mohamed Morsi et Ahmed Shafiq sont classés très loin des autres candidats. Si tu me permets une question, comment expliquer qu'un type comme Ahmed Shafiq, ancien ministre de l'Intérieur de Moubarak, malgré le fait qu'il était associé au régime corrompu sanguinaire de Moubarak, il a quand même réussi à recueillir 49% des voix? Ça, je peux adapter un argument que j'ai eu aujourd'hui d'un Égyptien, un camarade égyptien qui fait partie du collectif des Égyptiens à Montréal. Pour m'éclaircir un petit peu vraiment ce détail concernant... pourquoi Ahmed Shafiq, malgré toutes les circonstances, on était vraiment très proche à la révolution, comment ça se fait qu'il est passé comme deuxième ? Donc ma question est normale, finalement. Elle est vraiment très, très, très délicate comme question, parce qu'il faut comprendre que les Égyptiens, ils voulaient vraiment un changement, un changement radical. Donc ce qu'ils cherchaient comme société, c'est d'améliorer les circonstances et les conditions de vie matérielle. Le débat, c'était pas de défendre la charia ni d'appliquer la justice divine, ni rien du tout. Le débat, c'était un débat purement politique, d'ordre économique et social. Donc, est-ce que les attentes, c'était vraiment des attentes d'appliquer la religion ou des attentes purement politiques ? Ahmed Shafiq représentait une certaine impression chez les électeurs que est-ce que c'était vraiment mieux de garder ce qu'on avait ? Une sorte de statu quo. Ou est-ce que c'était mieux de passer à une nouvelle alternative ? Est-ce qu'on a des garanties vraiment concrètes pour changer les conditions politiques, économiques et sociales ? Donc c'était comme une réaction sous l'impression des événements par rapport à est-ce que c'est bien légitime de passer à une nouvelle époque politique ou vraiment de garder ce qu'on avait pour 30 ans et essayer de faire des simples réformes. Voilà. Et une dernière question avant d'en rentrer dans les enjeux constitutionnels. Quel était le taux de participation à ces élections présidentielles qui ont porté Mohamed Morsi au pouvoir en Égypte? Je vais vous donner les dernières statistiques, par exemple, par rapport au vote pour la Constitution, qui était beaucoup plus concret et plus efficace comme statistique. Par exemple, sur toute la population égyptienne, on a 52 millions inscrits sur la liste. D'électeurs. Oui. 52 millions de personnes et le taux de participation officiel n'a pas dépassé 32%. Donc on parle pas vraiment, même pas de la moitié de la société. Est-ce que selon les textes constitutionnels, on peut élaborer une constitution à partir... Il n'y a pas une restriction, une limitation à ce niveau. D'accord. Donc ça... Dans d'autres pays, oui, il faut avoir un minimum. Mais dans la législation égyptienne, que ce soit avant ou après la révolution, on n'a pas mis des restrictions bien claires à ce niveau. Bah, ce que tu dis est important parce qu'il y a toute une série de questions qui sont en train de jaillir dans ma tête. C'est le cas en Tunisie même aussi. Oui. Mais alors l'une des questions, c'est une révolution a eu lieu, des révoltes, on va dire, en Égypte. Des gens attendent un changement politique réel. Au moment où une consultation démocratique arrive, il n'y a que 32% des Égyptiens qui votent. Alors la question que j'aimerais te poser, ça veut tout simplement dire que les attentes de la population égyptienne passaient par autre chose que des modalités constitutionnelle, finalement. Les attentes se situent ailleurs, parce peut-être. Que, il faut comprendre une chose, parce que le débat sur la Constitution, ce n'est pas une nouvelle mode chez les Égyptiens. Mm-hmm. C'est comme une des pratiques ou des coutumes politiques des libéraux en Égypte. Ouais. C'est depuis même l'époque des rois de l'Égypte, surtout pendant les années 20 et 30. C'était un des débats les plus actuels, toujours, de défendre la Constitution, suspendre la Constitution, reprendre une vieille Constitution. C'était toujours un débat mené par les libéraux. Donc, par exemple, un des rois égyptiens, par exemple, en 1923, sous la pression des Anglais, donc il a fait suspendre la Constitution, ça a créé toute une révolte, toutes des manifestations menées par des partis de la droite égyptienne, comme surtout le parti Al-Waft, qui était un des sommets de la politique à l'époque. Ouais. Et la Constitution, elle représentait comme un repère pour pouvoir tracer la carte politique existante. Mmh. Mais est-ce que c'était vraiment une demande des classes des ouvriers ou la classe des ouvriers ou la classe, disons, les classes qui sont de la masse qui est intéressée à changer les conditions matérielles de la vie? Pas du tout. Donc, et la même chose, donc, finalement, il y a deux ans, les revendications de la majorité sociale se situent en dehors de ces enjeux constitutionnels. Alors, arrivons maintenant aux enjeux autour de la Constitution. C'est quels sont les points de friction ou les points importants qui font l'objet de discussions importantes pour la société égyptienne à la faveur du débat sur la Constitution et l'élaboration d'une future Constitution? En faveur de la société, ça reste pour les Égyptiens à l'évaluer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on arrive toujours au niveau médiatique à créer des problèmes qui sont au niveau scientifique des pseudo-problèmes et pouvoir orienter l'attention de la masse vers des problèmes qui ne sont pas vraiment actuels, mais créer comme un besoin d'un problème actuel. Les problèmes, c'était dès le début, la motivation de la révolution en Égypte, c'était les problèmes économiques et les problèmes d'ordre social. Ce n'était pas vraiment la question politique ni la question constitutionnelle. Parce qu'à chaque fois que le régime Moubarak, par exemple, il se trouvait dans des paradoxes ou des vides juridiques ou constitutionnels en général, il a trouvé la forme pour modifier une loi ou faire une déclaration constitutionnelle exceptionnelle. Ce n'était pas vraiment une urgence par rapport au contexte. Mais ce que les Égyptiens cherchaient, même par rapport à la nouvelle constitution, est-ce que ça va aider à changer les conditions de vie? Est-ce que ça va aider à améliorer les conditions au niveau économique et social, avant de parler de la question politique? Parce que ça va de soi. Concrètement, on n'a pas vu ça. On a vu seulement des conséquences au niveau de confrontation. On a vu tout un effort, toute une attention qui était perdue dans des débats qui n'ont pas de sens au niveau de l'urgence du moment révolutionnaire en Égypte. C'est qu'au lieu de parler de l'importance de refonder les caractéristiques de l'économie nationale, défendre la justice sociale, etc., on a vu un débat sur l'importance de la charia. Est-ce que les lois de l'islam doivent être la seule référence pour la législation? Ou l'unique référence, ou une des références. On a perdu des mois pour se fixer sur un des choix possibles. Mais quels sont les acteurs qui ont fait en sorte que ce soit ces choix-là qui soient mis de l'avant de façon déterminante en Égypte? Juste pour vous expliquer, parce qu'il était créé un comité de spécialistes, entre guillemets, responsable pour rédiger la nouvelle constitution. Et Morsi, avant d'être élu comme président, il a promis de modifier la formation de ce comité. Mais après, il n'a pas changé. Parce que les personnes qui étaient d'esprit progressiste, démocrate, ils n'ont pas pu résister à la pression qui était faite par les membres, soi-disant, des frères musulmans et des salafistes en Égypte. Donc, ils ont dû subir le discours le plus fort. Ok. Mais les revendications portées par la société, par ce que tu appelles... Pas par rapport à la constitution non, du non, tout. Non, mais je veux dire les revendications sociales pour une amélioration réelle, pour une avancée dans les conditions populaires des gens. En Égypte, elles sont portées par quelle formation politique, par quel type de mouvements sociaux? Pas par rapport à des formations politiques dans le sens classique de terme. Il n'y a pas un parti politique formé. C'est pour ça que j'ai parlé de mouvements sociaux. Parce qu'on a des associations, des ONG parfois, même des groupes sur les réseaux sociaux qui se forment de manière assez spontanée et assez présente dans tous les réseaux possibles, que ce soit dans les rues, même seulement dans le monde entre guillemets virtuel. Mais parler d'une formation politique qui est là pour exprimer la volonté de la masse, c'est pas le cas. On a des principes assez de droite. Ouais. Donc on parle par exemple des figures assez importantes dans la scène politique comme Ahmed El Beredi ou Amar Moussa, des personnes qui ont une certaine crédibilité. Alors, juste pour les auditeurs et les auditrices, Mohamed El Beredi, ancien ministre des Affaires étrangères. Non, Ahmed Beredi, qui était à l'Agence internationale d'énergie atomique. Exactement. Amar Moussa, qui était secrétaire général de la Ligue arabe et qui a déjà été ministre des Affaires étrangères d'Égypte. Exactement. Mais il existe quand même des mouvements sociaux, il existe des mouvements paysans, il existe des syndicats autonomes. Mais le régime, il a quand même forcé ces mouvements à s'éloigner du débat constitutionnel. Mmh. Et eux aussi, ils ont choisi de continuer la lutte dans la rue. Mais je vais quand même te pousser, je vais faire l'avocat du diable sur le débat sur la Constitution. Mmh. Est-ce qu'il ne pourrait pas être possible, à partir du débat constitutionnel, un peu comme chez vous en Tunisie, de poser les principes d'une assemblée constituante qui peut aussi statuer sur un projet de société, qui peut statuer sur le modèle économique que veulent les Tunisiens, sur la politique étrangère, sur des questions déterminante pour l'autodétermination parce que de ce pays. Il faut comprendre. Ce que je comprends de tes propos, c'est que ce n'est pas le cas du débat qui se pose en Égypte actuellement. Pas du tout, parce qu'il faut comprendre que la nouvelle constitution en Égypte, elle a limité le débat sur les questions les plus stratégiques. Sur les questions économiques, par exemple, par rapport à une vieille constitution où l'État garantissait surtout la sécurité, justement, pour la propriété publique. Maintenant, on parle d'une protection pour toute propriété possible. Ah oui, donc... Et surtout d'une certaine garantie, une garantie bien présente par l'État même pour la propriété privée. Mmh. Ça, c'est un article bien explicite dans la nouvelle Constitution. Et si on parle de la question politique, donc on a passé à une nouvelle formulation pour tout ce qui est les élections, les assemblées. On a tout un débat, une confrontation, même des paradoxes, entre deux assemblées possibles. Il y a l'Assemblée, ce qu'on appelle le Parlement, l'Assemblée des députés, et aussi l'Assemblée consultative. C'est comme une assemblée d'ordre religieuse, parce que la nomination en arabe, c'est Majlis Shura. C'est une référence à un ensemble des sages qui vont donner comme quelques conseils pour appuyer et renforcer les décisions de l'Assemblée des députés. Donc, parfois, dans la Constitution, on n'arrive pas vraiment à discerner c'est quoi la supériorité d'une des assemblées. C'est qui décide vraiment. Okay? Donc, pour les questions stratégiques, ils ont décidé d'être bien clairs par rapport à tout ce qui est la nature de la structure économique et sociale du pays, la nature du régime politique. Okay. Mais pour les questions les plus paradoxales ou les plus délicates, ça reste toujours très ambigu de déterminer c'est quoi vraiment la position du régime. L'Égypte qui, sur le plan économique, depuis les accords de Camp David, depuis la fin de la période de Nasser, qui est lancée dans ce qu'on appelle en arabe la politique de l'infitah, c'est-à-dire cette politique d'ouverture économique, de normalisation... Ce qui est bien garanti avec la nouvelle Constitution. De normalisation de ses relations avec Israël depuis les accords entre de 79 jusqu'à 78. Alors, la question que j'aimerais peut-être te poser, c'est un pays comme l'Égypte où l'une des structures à partir desquelles l'impérialisme arrive encore à peser en Égypte, même pour faire pression sur les frères musulmans, c'est encore la haute hiérarchie militaire qui est une institution importante dans l'Égypte actuelle et qui est paradoxalement importante. Oui, fondamentale. Je vais te pousser à élaborer. Une armée égyptienne qui est financée à 70% par le Pentagone. Oui. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais il faut comprendre que malgré toutes les critiques et les réserves qu'on a sur l'actuel régime politique en Égypte, à travers les frères musulmans et leurs alliés politiques, il faut comprendre que ce n'est pas vraiment les vrais décideurs de la scène politique. Mmh. Parce que l'armée égyptienne, elle avait besoin de sortir d'un certain paradoxe créé suite à la révolution. Il faut savoir que Moubarak aussi était un officier de l'armée égyptienne. Mmh. Et donc, le fait de créer une révolution contre Moubarak, c'est vraiment une révolution contre tout un système qui est là depuis 1952. Mmh. Donc, est-ce que l'armée... Depuis ce qu'on appelle le mouvement des officiers libres. Exactement, avec Jamal Abdel Nasser et tous ses camarades. Donc, est-ce que l'armée aurait accepté vraiment de se retirer de la scène politique, parce que ce n'est pas vraiment le cas, ou de trouver une certaine solution où ce n'est pas eux vraiment ceux qui explicitement vont décider de la scène. Ils vont pousser un des mouvements qui vont accepter une continuité de la présence de l'armée dans la scène économique, sociale et politique. Et l'armée, si je comprends bien ce que tu dis, bon, je fais de la fausse naïveté parce que je le sais quand même, mais je veux t'entendre élaborer, l'armée qui est une structure importante sur le plan économique, les généraux égyptiens, la haute hiérarchie militaire, détient des leviers économiques importants, notamment reliés aux monarchies du Golfe arabo-persique. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner juste la culpabilité. L'image institutionnelle classique de l'armée, voilà. Parce qu'il ne faut pas dire que bon, le régime de Morsi il est coupable de l'actuelle situation, parce que Morsi, en fin de compte, il n'a pas trop le choix. S'il a accepté le rôle, parce qu'il savait qu'il est conditionné par la volonté de l'armée égyptienne. Et il ne peut pas dépasser les limites que permet l'armée égyptienne, qui pourra à n'importe quel moment changer la carte politique de nouveau. Alors justement, cette armée égyptienne dispose quand même, pas l'armée égyptienne, on va dire les choses différemment, les structures, la haute hiérarchie de l'armée égyptienne, les généraux affairistes qui détiennent le pouvoir réel en Égypte, parce qu'il faut distinguer l'armée comme institution de la haute. On parle des hauts responsables et des dirigeants. Elle a quand même des liens avec des acteurs politiques importants dans la sous-région. L'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont des acteurs déterminants, et les États-Unis. Alors comment se font ces liens entre la haute hiérarchie militaire? Sur quels enjeux l'impérialisme arrive à peser sur la politique interne égyptienne? Il faut se rappeler d'une première déclaration qu'a donnée le mouvement des frères musulmans à peine annoncé la victoire de Morsi, que les frères musulmans, contrairement à toute attente possible, vont garantir tout accord qu'a fait l'Égypte au niveau international. On parle bien sûr de la normalisation des relations avec Israël et la garantie de la sécurité d'Israël en premier lieu. Donc, aider ce type de régime à monter et aider à garantir toujours et continuer de garantir la présence de l'armée égyptienne dans la scène politique, ce n'est pas en faveur seulement de l'Égypte, mais en faveur des intérêts stratégiques dans la région. Parce que si on imagine, avec la même naïveté que de laquelle tu l'as parlé tout à l'heure, si on imagine qu'à un moment on va faire monter un régime progressiste, un vrai régime démocratique dans la région, c'est pas seulement l'Égypte qui va changer son orientation politique, mais tous les pays voisins. Donc ça va déstabiliser tous les intérêts et le plan stratégique qui était déjà pré-planifié pour la région. Je vais revenir quand même à la Constitution et insister peut-être, poser une question qui doit cheminer dans l'esprit des gens. Puisque l'armée est une structure importante, est-ce que, par exemple, le débat constitutionnel tel qu'il se pose en Égypte ne peut pas être une des occasions d'élaborer des modalités qui fixent le rôle et la place de l'armée dans les institutions politiques? C'est-à-dire l'armée comme institution garante de la souveraineté du territoire, mais qui ne devrait pas jouer un rôle politique. Parce que par rapport à la vieille présence de l'armée dans la scène politique, un débat constitutionnel ou un débat au niveau juridique, ça ne va pas résoudre le problème. On parle de problèmes structurels en premier ordre, et on parle aussi d'un problème d'idéologie dominante. Parce que entre l'idéologie dominante de la droite, entre le régime de Mohamed Najib, le premier président d'Égypte que la majorité ignore son mandat, il était président entre 52 et 54, Abd al-Nasser, Anwar Sadat et Mohamed Hosni Moubarak, et la suite de ce régime avec la révolution et puis la montée des frères musulmans, on a toujours le même discours politique et économique en même temps. On défend la même orientation économique, on défend les mêmes intérêts dans la région. Donc on a comme des petites nuances qui se changent. Donc contrairement à ce qu'on nous dit, il y a un véritable compromis entre les islamistes, entre Mohamed Morsi et la haute hiérarchie militaire, mais un compromis qui, si je comprends ce que tu me dis, avec la caution d'acteurs externes importants qui pèse sur la société. Mais c'était la seule formule qui pouvait avoir dans le contexte de la révolution. Parce que l'armée égyptienne voulait changer un petit peu la formule dominante de l'officier de l'armée qui prend le pouvoir, parce que la révolution allait pousser vraiment à changer d'identité politique. Et en même temps, il fallait garder la situation telle qu'elle est, en gardant les mêmes intérêts au niveau intérieur et en garantissant les mêmes intérêts au niveau international. Farah, je suis vraiment désolé, le temps passe, on n'a pas beaucoup abordé les enjeux constitutionnels. Définitivement, tu dois revenir. Définitivement, mais il y a une question à laquelle j'aimerais te poser, je veux que Gwen écoute cette question, parce que c'est un débat important. Une nouvelle est tombée hier. Mohamed Morsi, président de l'Égypte. Je vais te poser la question différemment. Dans le contexte actuel, alors que les médias nous présentent les islamistes qui seraient opposés aux militaires, opposés aux États-Unis. On a très bien vu que la justice égyptienne, qui visiblement à Tikoutine n'est pas indépendante du régime politique, Sûrement. Elle a ordonné la libération de Mohamed Hosni Moubarak. Comment se fait-il qu'un président comme celui-là, corrompu, sanguinaire, dont on a la preuve qu'il a tué des centaines de personnes pendant les événements de janvier, février, mars 2011, la justice égyptienne, issue d'élections démocratiques, issu d'un élan de changement populaire, n'a pas été capable de condamner le président. Ça, il faut nuancer aussi, parce que il faut comprendre que Mohamed Hosni Moubarak, c'était pas la seule personne responsable. Il n'était pas le monstre qui mangeait le peuple égyptien. Oui. Parce que lui, il était l'expression de toute une époque, de tout un système, régime et de toute une continuité depuis les années 50. Et condamner Mohamed Hosni Moubarak et ses deux fils, Ali et Jamel, et garder les vrais responsables dans le régime, je comprends. Il fallait justifier un passage provisoire. De toute façon, Mohamed Hosni Moubarak, il a passé plus qu'une année sous des conditions soi-disant misérables. Tu as vu comment il portait ses lunettes de soleil derrière la cage. Donc, on a vu une personne qui a souffert selon la version médiatique. Et à chaque fois, il faisait sortir des pseudo-informations sur son état de santé, qu'il est entré en état de coma, et puis il s'est réveillé. Et puis, dans la même journée, il rentre en coma 2-3 fois par jour. Donc, c'était l'habitude de discours médiatique qui voulait un petit peu réduire ce ressentiment par rapport à Hosni Moubarak et réduire le ressentiment par rapport à la personne pour faire... désorienter la concentration sur le régime et pas sur la personne. Alors, peut-être une question, moi, qui me taraude l'esprit. Si ce n'est pas par la voie des changements constitutionnels qu'on peut... changer les... Voilà. Alors, quels sont les acteurs... Pour des gens comme nous qui suivons ça de l'extérieur, pour des auditeurs qui veulent se faire une idée précise des acteurs les plus progressistes, les plus révolutionnaires ou les plus anti-impérialistes qui existent dans la société égyptienne, qui œuvrent à ce que l'Égypte soit moins inféodée à l'ordre régional et l'ordre géopolitique qui pèse sur elle. Aide-nous à identifier ces acteurs à l'intérieur de la société égyptienne qu'il faudrait faire connaître et qui mériteraient une solidarité effective. Parce que là, je me permets de prononcer mon point de vue personnel par rapport à la description des faits. C'est que on ne peut pas nier l'importance des révolutions qu'on a eues, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Mais il faut reconnaître qu'une simple réaction qui n'a pas eu l'encadrement politique, idéologique, qui n'a pas eu un programme bien déterminé, à certains moments, elle va affronter ses échecs et les limites de ses horizons possibles. Parce que si on a eu le support de la petite bourgeoisie, des associations et de certains secteurs dans la société, ça ne veut pas dire qu'on a eu la conscience historique révolutionnaire qui pourra présenter un programme radical et révolutionnaire. Ce n'est pas la guerre qu'on essaye de créer, mais vraiment de passer à un vrai changement. Ce qu'on appelle dans la science la révolution, c'est le changement radical. Ce n'est pas des simples réformes. Ce qu'on a eu en Tunisie, ce qu'on a eu en Égypte, et ce qu'ils veulent faire aussi en Syrie, c'est une des expressions différentes des réformes imposées par la volonté internationale. Ben, définitivement, je vois à travers la dernière réponse que tu m'as donnée des éléments qui mériteraient un approfondissement, qui mériteraient qu'on y revienne. C'est toute la place stratégique que peuvent jouer les partis ou les syndicats dans le processus révolutionnaire. Il y en a d'autres qui pensent que c'est des mouvements sociaux. Ce débat est important au sein de la gauche. Il est important au sein du mouvement altermondialiste. On ne pourra pas l'épuiser. Hein. Toute la tradition léniniste qui pense qu'il y a un parti qui s'impose dans le contexte révolutionnaire pour porter les revendications. D'autres que pensent que c'est des mouvements sociaux. Tu as ouvert une ébauche d'une discussion beaucoup plus profonde. Juste un dernier élément que j'aimerais bien... J'espère que je n'ai pas caricaturé. Non, pas du tout. Mais juste un dernier élément, c'est que je peux pas dire l'ennemi, mais le contexte implique les tactiques favorables. Donc, si on veut créer une stratégie révolutionnaire, on a des contextes qui imposent vraiment certaines tactiques à changer. Si on veut être révolutionnaire, c'est on va garder une méthodologie de réflexion révolutionnaire. Il va falloir qu'on y revienne, Farah. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça fait plus de 25 minutes de discussion. Je rappelle donc aux auditeurs et aux auditrices que cette discussion sur l'Égypte, c'est Farah El Kefi, chercheur en philosophie d'origine tunisienne, qui était avec nous. Merci infiniment au nom de tous mes collègues. Est-ce que tu peux me faire la promesse au micro qu'on va reprendre cette discussion? Sûrement. Merci beaucoup. Donc, une petite pause musicale et on reviendra tout de suite après avec la partie en anglais. Merci.